Chapitre 18e. L'interruption de Thérèse était venue distraire le colonel d'une façon désagréable, car ce changement dans leur promenade avait amené nécessairement un changement dans leurs idées. L'esprit se laisse facilement aller à suivre le mouvement des jambes. Elles vont, il va, elles s'arrêtent, il s'interrompt lui-même. Pour le colonel, il eut volontiers continué l'entretien commencé. Cette confession de Thérèse l'intéressait. Il avait plaisir à entendre la jeune fille expliquer franchement ses désirs et ses croyances. Surtout, il était heureux de trouver en elle des sentiments analogues à ceux qui étaient en lui. Mais l'esprit de Thérèse avait sauté d'un sujet à un autre, et il était difficile de la remettre dans le cours d'idées qui lui avait fait prendre un peu malgré elle. En se retournant, il s'était trouvé en face du soleil couchant, qui emplissait le ciel de grandes lueurs rouges, que coupaient çà et là des bandes jaunes. C'était un de ces couchers de soleil comme on en voit souvent à Paris, mais comme on n'en voit que là, et qui sont dus sans doute aux vapeurs et aux poussières qui flottent au-dessus de la grande ville et décomposent la lumière et séparent ses rayons. « Aimez-vous la France ?» demanda Thérèse en étendant sa main dans la direction de l'ouest, par un large geste qui embrassait tout ce que leurs yeux pouvaient apercevoir. « Ne suis-je pas français par mon père ?»« Ce n'est pas cela que je veux dire. Je vous demande si le pays même vous plaît. » Songez que je n'ai jamais été à plus de 10 lieues de Paris, qu'en fait de rivière je ne connais que la Marne et la Seine, en fait de montagne que la butte Montmartre, en fait de paysage que celui qui se déroule là devant nous. Et curieusement, je voulais savoir comment vous jugez ce que moi je trouve très beau, car je sais très bien qu'il faut avoir des termes de comparaison pour se faire une idée juste des choses. Peut-être tout cela vous paraît-il vulgaire et mesquin, à vous qui avez vu les grands fleuves et les solitudes sans nom de l'Amérique. Chaque pays a ses beautés propres. Vous ne voulez pas vous engager, mais c'est égal. Je persiste dans mon sentiment. Cette rivière qui coule dans un lit de verdure, ces osiers aux branches d'or, ces peupliers dont les feuilles bruissent, ce vieux moulin couvert de mousse, cet escalier en planches vaseuses qui descend dans l'eau, tout cela me paraît très beau, et il me semble que je pourrais le faire sentir à d'autres, s'il m'était permis de le reproduire tel que je le vois. Mais pour cela, il faudrait travailler beaucoup plus qu'il ne m'est possible. Il faudrait étudier, il faudrait être une artiste, et je ne suis qu'une ouvrière. » Puis se mettant à rire doucement, « Vous voyez, c'est un peu comme pour mon mariage, un rêve. » C'était le mot qu'il attendait. Il allait pouvoir reprendre la conversation au point où elle avait été interrompue. Mais à ce moment même, Thérèse agita son mouchoir en l'air, faisant des signes à une personne qui venait au-devant d'eux. « Mon oncle Sauriol, » dit-elle en se tournant vers son cousin. C'était en effet Sauriol qui arrivait, marchant lentement, gravement, le chapeau à la main, laissant flotter au vent les basques de son habit noir et ses longs cheveux gris. Il fallut renoncer à tout entretien intime et répondre sérieusement aux politesses de l'oncle de Thérèse, qui avait quitté Paris exprès pour avoir le plaisir de passer la journée avec le colonel. « Ne croyez pas, dit-il en tendant la main au colonel, que je vous parle ainsi par politesse banale. Ma nièce vous dira que j'ai rarement le temps de quitter Paris pour venir me délasser à la campagne. » Ce que Sauriol n'ajouta pas, bien que cela n'eût été que conforme à l'exacte vérité, c'est qu'il ne s'était point arraché à ses occupations parisiennes pour avoir seulement le plaisir de passer la journée avec le colonel. En apprenant le matin par Thérèse l'invitation d'Antoine, il avait poussé les hauts cris. Comprenait-on une pareille idée, inviter un homme comme le colonel à venir dans une guinguette? Et généreusement, il s'était aussitôt décidé à réparer la sottise de son beau-frère. Lui aussi, il viendrait au moulin flottant, et le colonel trouverait au moins quelqu'un qui parlait. Par sa conversation, il s'efforcerait de racheter la vulgarité de la guinguette. Partant de cette idée que c'était à lui qu'il appartenait de soutenir l'honneur de la famille Chamberlain, il accapara le colonel, citoyen de la Grande République, et ne permit à personne de prendre la parole. Pour commencer, il lui expliqua la guerre de sécession dans ses causes, ses incidents et résultats. Rien ne put l'arrêter, personne ne put l'interrompre. Quand Antoine, qui avait cessé de pêcher, vint les rejoindre, il continua son récit. Quand Denisot arriva à son tour, il continua de plus belle, heureux d'avoir un plus grand nombre d'auditeurs. Il connaissait mieux que le colonel les batailles auxquelles celui-ci avait pris part. Une fois même, il le colla sur un détail topographique. Il est vrai qu'il le fit avec déménagement, mais enfin il le colla. Lorsqu'on arriva devant la passerelle qui met le moulin flottant en communication avec la terre ferme, il en était à expliquer comment Grant avait réussi là où McClellan avait échoué. Devant cette passerelle était un terre-plein qui servait de jardin et de salle à manger au moulin. On y voyait des tables posées sur des pieux, des tabourets en bois brut, des tonnelles, un jeu de boules et une balançoire. Le colonel crut trouver dans cette balançoire un moyen pour échapper au flot de paroles qui le noyait, et il proposa à sa cousine de la balancer. « Oh, quel bonheur !» s'écria-t-elle, et d'un bond, elle sauta sur l'escarpolette. Soriol parut très surpris qu'un homme tel que le colonel préférât à sa conversation instructive le plaisir de lancer en l'air une petite fille telle que Thérèse. Mais après être resté un moment interloqué, il vint se placer auprès du colonel et reprit son récit au point où il l'avait interrompu. « Pardonnez-moi, dit celui-ci, mais l'attention que j'apporte à vous écouter m'empêche de suivre le mouvement de la balançoire. D'ailleurs, je suis de votre avis, Burnside a eu tort. » Il s'appliqua si bien à balancer Thérèse, qui criait toujours « plus haut !» que Soriol fut obligé de renoncer à se faire écouter. Ce serait pour plus tard. Il y avait une dizaine d'années qu'Antoine venait presque tous les dimanches au moulin flottant. Aussi y trouvait-il des soins et des égards particuliers. Le samedi soir, ou plus justement le dimanche, lorsqu'il arrivait à 3 heures du matin, la porte était ouverte pour le recevoir et l'abriter jusqu'au soleil levant. Pour dîner avec sa fille, Michel et Denisot ont lui réservé dans le moulin même une petite chambre où ils étaient chez eux. Quand Soriol se trouvait quelque part avec son beau-frère, c'était lui qui, tout naturellement, en commandait. Cela lui revenait de droit en sa qualité d'homme du monde. Il plaça donc le colonel à sa droite. Heureusement, celui-ci, dans cet arrangement, eut comme compensation le plaisir d'avoir Thérèse vis-à-vis de lui, et de pouvoir ainsi la regarder et l'étudier à son gré. Lorsqu'il levait les yeux, son regard se croisait avec celui de sa cousine. Il la voyait manger gentiment, avec l'appétit d'une Parisienne qui a couru toute la journée en plein air. Quand elle buvait, il voyait sa tête se pencher en arrière avec un gracieux mouvement de cou et ses paupières s'abaisser à demi sur ses yeux. Cela lui donnait des forces pour supporter la conversation de Soriol. Abandonnant l'Amérique, celui-ci félicita le colonel d'avoir choisi pour visiter la France le moment de l'exposition universelle, bien que, quant à lui, personnellement, il ne fût pas du tout satisfait de cette exposition. Il y avait trop de canons et d'armes de guerre. Cet entassement était un contresens en l'an 1867. Qui pouvait s'intéresser à cela ? Pour lui, il avait une manière de visiter l'exposition qui lui évitait la vue odieuse de ces machines de destruction qui dataient d'un autre âge. Il allait s'asseoir au Trocadéro, et regardant à ses pieds les toitures de l'énorme monument, il pensait à la tranquillité, à la félicité qui allait commencer pour le monde. En se mêlant, les peuples apprenaient à se connaître, à s'aimer. Le règne des rois guerriers est fini. Celui de la charrue et des machines industrielles commence, l'ère de la fraternité universelle s'ouvre. Cela dura longtemps, ainsi, et ce qu'il y avait d'admirable, c'est que parler ne l'empêchait pas de manger. Les morceaux de pain, de viande et de poisson étaient les virgules qui ponctuaient son discours. Il avait un art merveilleux pour vider son verre au passage qui exigeait un repos. Alors, dans ces moments de repos, on entendait le clapotement de l'eau sous le moulin. Si fertile que fut le sujet de l'exposition, il finit cependant par s'épuiser. Mais pour cela, Soriol ne renonça pas à la parole. L'heure était venue d'une conversation plus intime, et il éprouvait le besoin d'expliquer le caractère de son beau-frère Antoine et le sien propre. Antoine était un artiste vraiment remarquable dans ce métier, et il s'y connaissait, lui, Soriol. Antoine avait toutes les aptitudes, à ce point que sans instruction première, il était arrivé, poussé par les nécessités de la politique, à exprimer soit par la parole, soit par la plume, ses idées d'une façon nette et précise. Il lui manquait bien entendu la forme. Mais comment acquérir la forme lorsque pendant 12 ou 15 heures par jour, on est emprisonné dans un travail manuel ? Le métier tue l'intelligence. Pour lui, il avait pu, Dieu merci, échapper à ce suicide et garder le respect de lui-même. S'il n'écrivait pas les grandes idées qui bouillonnaient dans son cerveau, c'était simplement parce qu'elles n'étaient pas encore à point, et aussi parce que l'époque n'était pas favorable à leur divulgation. Mais ce temps viendrait. En attendant, il les répandait par la parole, ses idées, et il préparait les esprits à les recevoir. Malgré les difficultés qu'il rencontrait, il accomplissait courageusement sa mission d'apôtre. Aussi le craignait-on, la police le filait. La nuit eût pu se passer dans ses explications car elle avait la vertu de délier la langue de Soriol. Mais il fallait gagner la station de Fontenay pour prendre le dernier train, c'est-à-dire faire de lieu à pied à travers la campagne. On se mit donc en route, après s'être partagé entre tous, Soriol excepté, les fleurs de Thérèse. Il fallut au colonel de la diplomatie pour rester seul avec Thérèse, car Soriol, qui aimait à parler en marchant, tout aussi bien qu'en mangeant, ne voulait pas le lâcher. Enfin, il parvint à faire prendre les devants aux trois hommes et à les suivre de loin avec la jeune fille. Aussitôt qu'ils furent seuls, il revint au sujet qui le préoccupait. « Tantôt, dit-il, nous avons été interrompus. Voulez-vous que nous reprenions notre entretien ? Vous ne m'avez parlé que des maris que vous ne voudriez pas, et non de ceux dont vous voudriez. Laissez-moi vous dire, ma chère petite cousine, que si l'on était un qui répondit à cette condition, votre mariage serait maintenant possible et même facile, car je mets à votre disposition la dot nécessaire pour l'assurer. Oh, mon cousin, ne me refusez pas. La fortune de mon père est à ma famille. Je ne me refuse pas. Je dis seulement que ce mari n'existe pas. Vous n'avez choisi personne ? Oh, en rêve, bien entendu. Personne, ni en rêve, ni en réalité. D'ailleurs, vous savez bien que je vous ai dit que je voulais que mon mari m'aimât, et personne ne m'aime, au moins que je sache. » Le colonel se tut, et ils marchèrent assez longtemps côte à côte en silence. La nuit était douce, sans lune, mais dans le ciel brillaient des étoiles scintillantes, tandis qu'au-delà du plateau d'Avron s'étendait un grand nuage rouge formé par la réverbération des lumières de Paris. Partout, autour d'eux, s'ouvraient des profondeurs insondables dans lesquelles les choses se brouillaient confusément. Seule la rivière qu'ils côtoyaient était lumineuse, réfléchissant les étoiles qui la criblaient de trous d'or. Que d'étoiles ! Elles éblouissaient. Tout à coup, Thérèse s'arrêta et se retourna pour voir une dernière fois ce coin du pays qu'ils allaient quitter pour entrer dans un village. « Il semble que le ciel soit ce soir sur la terre, » dit-elle. Sa voix était tremblante. « Appuyez-vous sur mon bras, » dit-il. « Nous serons mieux pour marcher. » Et ils restèrent ainsi serrés l'un contre l'autre jusqu'à la station.